Hétéroland. C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop. C'est un gentil garçon. Il croit bien faire. Les hommes sont bêtes. On va aller chercher le sperme. C'est quand même pas sorcier, c'est mon clitoris, pas le sphinx. C'est le moment de libérer la chatte. Mais il lui faut affronter l'aide d'une réalité. Marié, famille, enfant, caravane, à la mer. Alors donc, aujourd'hui, on parle féminité. C'est un petit peu vaste. D'ailleurs, c'est surtout mon expérience de la féminité, celle d'une meuf blanche et cisgenre. Et donc, ça a ses limites. Pour ce qui est des féminités trans, on peut lire Julia Serrano, dont certains écrits sont dispos sur Info Kiosque. On peut aussi aller regarder pas mal de vidéos de la chaîne YouTube ContraPoints. Il y a des sous-titres français compréhensibles, normalement, sur pas mal de ces vidéos. Et pour ce qui est des féminités, des meufs racisées, on peut aller voir la chaîne YouTube de Keyholes and Snapshots, par exemple. Quand je parle dans l'émission, j'inclus un peu automatiquement dans l'identité meuf, les meufs trans et les personnes transféminines. Mais d'un autre côté, leurs expériences vis-à-vis de la féminité, elles peuvent être vraiment très différentes de la mienne. Voilà. Je vais commencer par une petite anecdote, sympathique, comme toujours. L'autre jour, il y a un individu très très désagréable qui m'a abordé dans la rue. Alors il a commencé par me demander de lui indiquer une rue. Donc je lui demande laquelle. Et là il me répond, celle qui va jusqu'à ton cœur. Bon, alors je suis pas du tout, je sais bien que mon cœur l'intéresse assez peu. Voilà. Je suis saoulée qu'il se soit permis de m'interrompre, de m'empêcher d'avancer vite, etc. Lui, il a l'air très content de lui-même, tout ça. Enfin bref, comme d'habitude. Donc pour éviter un petit peu la reloutude, je fais une TED à bien essayer mon gars sans rancune, bye bye. Et là, il fait un truc qui correspond à un degré de chiantise un peu moins habituel. C'est qu'il attrape mon bras. Donc je lui dis de pas me toucher, je le dégage, hein. Il dit des trucs du style « Ah, fais pas de manière, machin ». Bon, vraiment, j'ai envie de le buter. Mais évidemment, il fait ça quand je me sens insécure, quand je suis en petite sandale où tu peux pas trop courir ni te taper. Alors j'ai moins la confiance de la personne qui a pas besoin de se défendre physiquement, mais qui sait qu'elle pourrait le faire si besoin. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc un peu chelou. C'était pareil l'été dernier et j'avais oublié depuis. Mais alors, c'est quoi ce délire de dès qu'on est en sandales, tous les relous, ils ont subitement envie de nous parler? Peut-être je vais lancer une étude statistique sur le fait de subir plus de harcèlement de rue quand on est en sandales ou en nu-pieds. Ça fait deux étés que j'en porte et c'est très étrange de constater qu'avec des tenues très similaires au même moment de la journée, en sandales, c'est la folie quoi. En Doc Martens, il se passe rien du tout. Est-ce que l'identification comme femelle vulnérable dans l'espace public, ça passe en partie par l'exposition des orteils? Est-ce que c'est un bout de nudité qui serait inconsciemment classé comme vraiment intime? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de connards que ce qu'on croit qui sont fétichistes des pieds? Est-ce qu'ils savent qu'un coup de pied dans les couilles avec des docs, ça fait plus mal? C'est probablement un peu de tour ça, je suis sûre de rien. Mais en tout cas, on remarquera que les chaussures les plus féminines sont moins sécurisantes, que ce soit parce qu'elles nous signalent comme meufs ou parce qu'elles sont, dans les faits, moins pratiques. Bref, donc, ce type, il m'a saoulée. Je lui ai dit de dégager. Et là, son regard s'arrête sur mon aisselle gauche. Je vois son visage se figer entre étonnement et dégoût. Et il me dit ce truc que, bizarrement, personne ne m'avait encore jamais dit. Va te raser. Comme un équivalent de « en fait t'es laide, va te raser ». Alors je crois qu'il trouve que les poils ça va pas bien, avec les sandales peut-être. Mais pourtant ça rime. Enfin voilà, les poils c'est pas féminin, toujours pas. Garder ses poils c'est encore, même s'il y a du mieux, être un petit peu une crasseuse. Hein. Ceci dit, il y aura toujours des types du genre Bourge Intello pour dire que c'est sensuel et que ça leur rappelle je ne sais quelle référence culturelle random avec des putes qui sont représentées. Comme s'ils se distinguaient par leur goût en matière d'objets d'excitation sexuelle. Sexualiser les poils sur un corps féminin, comme ça d'office ça pose question, et surtout justifier leur présence par « oui mais cela me fait bander ». J'ai pas envie que leur seul bénéfice ça soit d'agiter la nouille des gens, surtout de ce genre de gens. Enfin, moi je les garde parce que je trouve ça beau. Moi aussi, en fait, je trouve que c'est sexy dans le contexte adéquat. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie que ça soit une caractéristique toujours remarquée ni toujours sexualisée. Juste parce que ça sort de la norme. Il y a d'autres parties du corps, d'autres caractéristiques qui peuvent être sexy dans le bon contexte, genre les épaules. Eh ben, ça serait quand même malaisant si les types se mettent à justifier l'existence des épaules juste parce qu'elles les font bander. Hors activité sexuelle, elles ont le droit d'exister sans commentaire. Enfin, comme un peu tous les corps féminins sont sans cesse jugés et commentés, certains auront le réflexe de justifier l'existence de toutes les parties du corps d'une meuf par le fait qu'elle les intéresse sexuellement. Mais bon, ça c'est encore un autre bout de l'histoire. En fait, soit on enlève ses poils, on est normal, soit on les garde et on est un peu dégueu, mais d'une façon que les bourges intello savent apprécier sexuellement, grâce à l'authenticité animale que cela nous procure, comme tout ceci est problématique. Ouais, on a vachement de la chance. Et du coup, juste porter ses poils, les laisser pousser tranquille, c'est marginalisant, et soit rejeté, soit fétichisé. La féminité, en tout cas les critères physiques de la beauté féminine, c'est des artifices qui sont censés être naturels. Et y a un écart entre les apparences féminines et masculines qui doit rester net et insurmontable, comme par exemple avec les poils, poilus, pas poilus, tout ça. Bon, et du coup c'était chiant, mais ça m'a fait penser à Mona Chollet. Je vais vous lire des petits extraits de son bouquin « Beauté fatale » où ça parle, du coup, entre autres, de poils. L'hygiénisme est né en même temps que l'industrialisation. Ayant depuis longtemps perdu tout lien avec l'hygiène, il participe de ce rationalisme éradicateur glacial qui en veut au cœur même de l'identité humaine, assimilé à une indignité. La marchandise impose son modèle à travers les images sophistiquées en deux dimensions dont nous sommes bombardés. Elle veut des surfaces lisses, unifiées, brillantes, comme plastifiées, exempte de toute once de graisse et de tout poil. L'image nie l'importance de ce qui existe en dehors d'elle. Les odeurs, décrétées répugnantes, les sensations. Une prothèse mammaire est faite pour être photogénique, pas pour procurer du plaisir. Mais aussi, évidemment, les personnes. La personne, avec son individualité, son histoire, sa façon de se comporter, ce qu'elle dégage, le genre de relation qu'elle est capable d'établir avec ses semblables. On peut d'ailleurs penser que si la douleur des opérations de chirurgie esthétique est systématiquement niée ou minimisée, c'est aussi parce qu'elle est hors image. L'actuelle frénésie épilatoire offre un tableau poignant de ce Sisyphe humain bataillant sans relâche contre les signes de sa propre animalité, en y laissant des fortunes qui font prospérer toute une industrie. La guerre que nous menons à notre naturalité est aussi lucrative que désespérée, et ce n'est pas peu dire. Stéphane Rose constate que, parmi les hommes de moins de 25 ans, beaucoup n'ont jamais vu de poils sur le sexe de leur partenaire. Pour leur génération, la norme de l'épilation intégrale s'est imposée. Il démonte une à une toutes les idées reçues qui la justifient, de « ce n'est pas féminin » à « ce n'est pas propre ». Il relève lui aussi l'agressivité normative des médias people. Le site Voici a recours à une loupe magique pour déceler un duvet décoloré, imperceptible à l'œil nu, sur le visage de Madonna lors d'une première, et claironne que la chanteuse y est apparue plus poilue que jamais. La sensibilité de chacun chacune à la norme esthétique du corps glabre

péché. Je réponds à l'appel. Et voilà, c'était l'éternel féminin de Juliette Noureddine. J'ai l'impression que le son était vraiment dégueulasse. Je suis désolée si c'était le cas. Dites-le moi. Voilà. Donc, revenons-en à la féminité. On va essayer de définir un petit peu ce qu'on appelle féminité. Mais déjà, le féminin, dans notre ordre social, c'est un des deux pôles de genre. Et donc, on va commencer par définir le genre. C'est une caractéristique sociale de notre identité, actuellement construite sur une binarité féminin-masculin, dans la norme dominante. Il y a des caractéristiques et des capacités qui sont attribuées à chaque genre. Elles sont variables selon l'époque et la société dans laquelle on se trouve, mais il y a une constante de répartition entre féminin et masculin qui est remarquée, et aussi une persistance de l'attribution des caractéristiques valorisées et donnant du pouvoir au genre masculin. Donc, le genre, c'est une construction sociale traversée par une hiérarchie. On nous l'attribue à la naissance en se basant sur une donnée anatomique superficielle qui est la conformité de l'apparence de nos organes génitaux à des organes mâles ou femelles. Une comparaison est souvent faite entre le genre et le sexe qui lui serait biologique. Cependant, même en se plaçant du point de vue de la biologie, de nombreux critères et puis une infinité de variations existent. Et la biologie n'est pas neutre. Les recherches scientifiques sont orientées par la société dans laquelle elles sont produites. Et elles ne questionnent pas forcément les normes. Bon, pour résumer, de façon bien insuffisante, on peut dire que le genre, c'est un élément très structurant de notre identité, qu'il influence également l'idée qu'on se fait de ce que pourrait être un sexe biologique. Le verbe « genrer », ça désigne l'action le plus souvent inconsciente et à la fois systématique d'attribuer un genre à une personne. Donc, on a un système qui concerne nos représentations et tous les aspects matériels de nos existences. Et le féminin, il est du mauvais côté, autant pour ce qui est du symbolique que pour ce qui est des conditions d'existence. Françoise Héritier, qui était une anthropologue, a créé le concept de « valence différentielle des sexes » pour expliquer que, je la cite, « l'observation du monde incluant les différences anatomiques et physiologiques conduit à une classification binaire. La plus importante des constantes, celle qui parcourt tout le monde animal dont l'homme fait partie, c'est la différence des sexes. Je crois que la pensée humaine s'est organisée à partir de cette constatation. Il existe de l'identique et du différent. » Toutes les choses vont ensuite être analysées et classées entre ces deux rubriques. Voilà comment pense l'humanité. On n'a pas observé de sociétés qui ne souscrivent pas à cette règle. Dans toutes les langues, il y a des catégories binaires qui opposent le chaud, le froid, le sec, l'humide, le dur, le mou, le haut, le bas, l'actif, le passif, etc. Donc Françoise Héritier considère que dans toutes les langues, ces catégories binaires sont rattachées au masculin ou au féminin, avec par exemple le chaud et le sec qui sont rattachés au masculin dans la pensée grecque, le froid et l'humide au féminin. Ces catégories, elles sont toujours culturellement hiérarchisées. Donc, je la cite à nouveau, « L'observation ethnologique nous montre que le positif est toujours du côté masculin et le négatif du côté féminin. Cela ne dépend pas de la catégorie elle-même. Les mêmes qualités ne sont pas valorisées de la même manière sous toutes les latitudes. » Non, cela dépend de son affectation au sexe masculin ou au sexe féminin. Par exemple, chez nous, en Occident, actif est valorisé et donc associé au masculin, alors que passif, moins apprécié, est associé au féminin. En Inde, c'est le contraire. La passivité est le signe de la sérénité. La passivité ici est masculine et elle est valorisée. L'activité, vue comme un peu désordonnée, est féminine et elle est dévalorisée. Ces catégories de valeurs n'ont donc rien d'essentiellement négatif ou positif, elles sont construites et varient selon l'époque et les régions. Si une valeur est considérée comme positive, elle se trouve rattachée au masculin, et cette même valeur pourrait, sous une latitude différente ou à une autre époque, être considérée comme négative et être alors rattachée au féminin. Alors bon, Donc ça, c'est la pensée, enfin une partie hein, de la pensée de Françoise Héritier sur la valence différentielle. Et il y a des choses à critiquer sur le fait qu'elle considère tout ça universel, par exemple. Sur le fait que la classification pousse forcément à faire des oppositions binaires. Sur le fait qu'elle considère comme un critère absolu, originel, la capacité d'enfanter ou pas. Parce qu'après tout, tout ça, ça aurait pu être tout à fait d'autres critères. Ça aurait pu se répartir différemment. Mais son concept de valence différentielle, il aide en tout cas à capter ce truc de répartition et hiérarchie simultanée entre les caractéristiques du masculin et du féminin. Je vais vous lire un petit extrait de son bouquin qui s'appelle « La différence des sexes ». C'est une conférence pour les enfants. Enfin, c'est la retranscription d'une conférence pour les enfants, ce bouquin. Voilà. Et je vais vous lire un petit extrait qui illustre ce dont on vient de parler. Alors, comment s'opère le formatage et peut-on vérifier qu'il existe? Nous pouvons le vérifier à partir d'expériences réalisées en psychologie. Je vais parler d'une expérience faite auprès d'étudiants de facultés américaines où l'on sépare deux groupes composés chacun pour moitié de garçons et de filles. On leur montre la photo d'un même bébé d'une huitaine de jours qui crie la bouche grande ouverte, avec cet air de détresse que peuvent avoir les bébés. Au premier groupe, on dit « C'est un garçon, pourquoi pleure-t-il ? » Au second, « C'est une fille, pourquoi pleure-t-elle ? » Or, dans leur réponse, ces jeunes gens assignent déjà des qualités sexuées, on dira genrées maintenant, et hiérarchisées à ce nourrisson de 8 jours. Ceux auxquels on a dit qu'il s'agit d'un garçon répondent « C'est un petit mâle, il est en colère, parce que quelque chose lui a déplu. » Ceux à qui on a dit qu'il s'agit d'une fille répondent « Elle a eu peur » ou bien « Elle veut qu'on s'occupe d'elle ». Nous sommes bien en présence de deux modèles différents dans la tête des étudiants, et à chaque fois, ils attribuent à un nourrisson, au même nourrisson, hein, je le rappelle, des émotions qui correspondent à un type particulier, à savoir le genre. La colère et l'agressivité masculine contre la plainte, la peur ou le besoin d'affection de la fille. Voilà, c'était donc un petit extrait de La différence des sexes de Françoise Héritier pour illustrer ce concept de valence différentielle. Alors, j'avais d'autres petits exemples. Oui, pour illustrer ce concept toujours, on peut ajouter par exemple se dire féministe quand tu es un type, c'est admirable, et si tu es une meuf, tu es relou et on va te saouler avec ça. Et bon, autre exemple, avoir un corps visiblement puissant et des muscles dessinés, c'est bien quand tu es un homme, et c'est moche quand tu es une meuf. Alors qu'a priori, la puissance physique, c'est quand même utile un peu pour tout le monde, quoi, de base. Donc on comprend que tout ça, ça donne envie de redonner de la valeur aux caractéristiques supposées féminines, ou au moins de leur donner une forme de reconnaissance. Par exemple, pour le travail émotionnel... À présent, on reconnaît la charge mentale. En tout cas, il y a un terme pour en parler. Et la charge émotionnelle aussi est un peu plus reconnue. Donc la charge émotionnelle, ça va être le travail d'attention et de soin vis-à-vis de l'autre, de ce qu'il ressent. Et à présent, on reconnaît même la charge sexuelle. Il y a un bouquin qui vient de sortir là-dessus, il me semble. C'est le travail vis-à-vis de la contraception, mais aussi de la pédagogie vis-à-vis du plaisir sexuel qui est réalisé par les meufs. Et même pas que pour leur propre plaisir, aussi pour le plaisir sexuel des hommes cis. En fait, c'est dur de définir la féminité toute seule sans l'opposer au masculin. Ce sont deux pôles qui se sont construits en parallèle et en opposition avec une répartition des possibilités de la vie, tout simplement. Donc c'est dur de la définir indépendamment du système de genre, parce qu'elle n'a un sens qu'au sein de celui-ci. C'est aussi difficile de la montrer comme positive. Beaucoup de ces caractéristiques, comme l'attention aux autres, l'empathie, la douceur, la beauté, c'est des poids quand t'es une meuf, alors que ce sont des choses qui sont positives en elles-mêmes. Et ce sont des caractéristiques arbitraires qui viennent aussi du fait d'être socialement dominée. Bon, aussi, je me vois pas définir la féminité pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Déjà que pour moi-même, c'est un petit peu compliqué. Virginie Despentes, elle a une idée de ce qu'est la féminité. Et dans King Kong Theory, elle dit « L'art de la féminité, c'est de la putasserie. L'art de la servilité. » On peut appeler ça séduction et en faire un machin glamour. Ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes et vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise. Ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir. Ne pas vouloir occuper un poste d'autorité, ne pas chercher le prestige. Ne pas rire trop fort. Ne pas être soi-même trop marrante non plus. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps. Pas d'âge, pas de corpulence. N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve à gros bide et look pourri pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles, des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes, ou des remarques dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Donc c'était un extrait de King Kong Theory de Virginie Despentes. Ce que j'interprète de tout ça, c'est en fait, elle constate que la plupart du temps, les recadrages et les incitations diverses à être plus féminines qu'elle entend consistent plus à bien fermer sa gueule, en fait, et à ne pas trop. Ne pas trop, on sait pas quoi, mais ne pas trop. Point. Et que c'est comme ça qu'on va être considéré comme une vraie meuf et que le monde va arrêter de nous en vouloir. Faut savoir courber les chines pour obtenir déjà la paix, dans un premier temps, et ensuite pour obtenir ce qu'on voudrait. Mais c'est une promesse qui est plutôt bancale. On n'a jamais la paix. On a quand même plus de mal à obtenir ce qu'on veut. Ça donne l'impression que la féminité, c'est une espèce de plaie, juste un truc négatif. Et bon, c'est un peu ce que je pense, dans le sens où, de toute façon, le féminin est une catégorie sociale qui appartient à un système tout pourri et qui est en plus dévalorisé dans ce système. Donc forcément, ce qui est considéré comme féminin et être une meuf, bah c'est chiant. Mais les caractéristiques du féminin, elles sont pas négatives en elles-mêmes. C'est la rigidité, des normes de répartition de ces caractéristiques et en plus le système hiérarchique à travers lesquels on les voit qui pose problème. Par exemple, mon identité de genre de meuf, elle me convient. J'ai pas d'inconfort avec le fait d'être une meuf. Je voudrais juste que ça ne signifie pas ce que ça signifie dans notre contexte. La féminité signifie aussi quelque part appartenir à la catégorie victime. Et on n'a pas très envie d'être une victime. Ça fait pas plaisir et c'est vraiment pas le truc le plus valorisant du monde. Alors parfois, on peut essayer de bien montrer qu'on n'en est pas une, qu'on est une femme forte, que le féminin, ça peut être super. Pour certaines, on a parfois des phases de virilisme, bon, qui sont jamais aussi gênantes que le virilisme des mecs, parce que eux, ils ont plus de pouvoir, ça a plus d'impact, etc. Mais bref, on a des phases de virilisme. Et n'empêche, bah, parler plus fort que les autres, se montrer autoritaire, écraser les plus timides, dire ou juste sous-entendre que les autres meufs devraient juste être aussi vénères que soi-même, qu'elles devraient pas se laisser faire et que comme ça, elles seraient pas des pauvres victimes. C'est se faire violence à soi. C'est accepter qu'au moindre signe de faiblesse, ce sera notre faute si on flanche. La culpabilité, même celle projetée des autres, elle n'aide à survivre qu'un temps. Et puis même, elle amenuise nos forces pour une vraie autodéfense. Parce qu'en niant l'oppression, en se disant « Oh non, ça me concerne pas, moi on me traite bien, moi je suis pas concernée par le sexisme, je suis trop forte pour ça. Ben, » on se prive de connaître les signes et de pouvoir identifier les situations où quelque chose ne va pas. D'un autre côté, on peut aussi se dire que ne pas s'occuper du sexisme, ne pas en voir les effets dans sa vie, c'est une forme d'autodéfense. Et ça permet de s'éviter la douleur de voir que les trucs sont merdiques. Et bon, si ça marche ne serait-ce qu'un peu, bah peut-être que ça vaut le coup. Tout ça, ça dépend aussi pas mal des catégories sociales qui nous traversent, de notre conformité ou de nos écarts à la norme de féminité. S'en écarter, ça a un coût assez différent pour chacune. Dans King Kong Theory aussi, Virginie Despentes, elle donne l'exemple de Paris Hilton qui en a rien à foutre de se faire alpaguer à propos de sa vie sexuelle sur un plateau télé, parce qu'elle avait fait une sextape qui avait été publique, machin, enfin bref. Peut-être les gens se souviennent de ça ou pas. Bon, voilà. Donc Paris Hilton, elle en a rien à foutre de se faire alpaguer, parce que de toute façon, elle est très riche et il n'y a rien qui peut l'atteindre. Alors quand un petit mec racisé, moins connu qu'elle et beaucoup moins riche, il lui dit qu'il a vu sa sextape, il lui dit « Ah, je t'ai vu à poil, machin », elle en a rien à carrer, en fait. Parce que c'est une gigantesque bourge de l'enfer. Voilà, donc la classe sociale, la marginalité, ça joue pas mal sur comment on est traité et sur notre légitimité en tant que meuf. On va faire une nouvelle pause musicale avec... qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh ben, Doja Cat avec Boss Bitch. C'est parti. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. On the whole damn cake and a cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then till I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I flow. Pick up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss and I shine like glass. So you've been the B4, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I win it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch. Ah tiens. Eh bien, désolé pour la coupure brutale de cette charmante musique. Mon ordinateur vient de planter, lamentablement et soudainement. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez quand même bien profité de la chanson. On va continuer. Du coup, on l'a vu, il y a une répartition inégale des tâches et du pouvoir qui se reproduit elle-même. C'est-à-dire que le pouvoir, les pouvoirs divers détenus par le groupe social homme, il leur donne l'ascendant sur d'autres groupes. Sur celui des femmes, sur celui des personnes trans. C'est valable un petit peu dans tous les domaines, un peu tout le temps. Et je pense que c'est facile pour chacune de trouver un exemple qui lui parle. Cette répartition inégale du pouvoir, elle a des effets sur la vie des personnes, sur ce qui sera possible ou pas. Et quand on appartient à un groupe moins pourvu de pouvoir dans la plupart des domaines, si on plaît pas au groupe dominant, on se voit restreindre l'accès à pas mal de trucs, en fait. Hein. Donc ce regard, il est pesant, parce qu'il peut vite avoir un très fort impact sur la vie, sur celle des personnes hors de la catégorie homme cisgenre et blanc. Donc mieux vaut que ceux qui ont plus de pouvoir que toi t'aiment bien, généralement, dans la vie. C'est un constat général sur les groupes sociaux, sur des groupes sociaux assez larges. Il y a d'autres oppressions à prendre en compte selon les situations. Mais cet écart entre les réalités matérielles, il a plusieurs conséquences, des conséquences sur la répartition du rôle de soins, d'attention, mais aussi sur ce qui est considéré comme féminin et sa dévalorisation. Quand on n'a pas besoin de faire attention aux petites choses, celles du quotidien, les choses matérielles qui sont dites superficielle, pas importante, bah, non seulement ce qui est perçu comme féminin, c'est dévalorisé, mais ce qui est perçu comme important est dévalorisé lorsqu'il provient d'une meuf ou d'un domaine féminin. Par exemple, les meufs seront perçues avant tout comme des meufs et pas comme des auteurs. Et bon, par-dessus tout ça, l'expérience et les choses qui comptent pour des catégories dominées socialement, c'est aussi ignoré et dévalorisé par rapport à la culture. Voilà. Des sujets qui concernent principalement les femmes et les personnes appartenant au spectre de la féminité, elles seront automatiquement estampillées sujets secondaires, domaines particuliers. Alors que ce qui concerne les hommes et qui les intéresse sera perçu comme universellement intéressant. Et puis aussi plus technique, plus érudit, plus difficile d'accès, genre la mécanique versus la broderie, ou s'instruire sur le marxisme versus s'instruire sur le féminisme, par exemple. Je vais vous lire un autre extrait de Beauté fatale de Mona Chollet, qui décidément est un livre très plaisant. Alors, quant au goût des objets et du détail, il se manifeste notamment à travers l'acquisition précoce d'une culture du quotidien, du minuscule et du superflu, comme le relève Catherine Monod dans son livre sur les petites filles. Nancy Houston en a donné une description au chapitre « Petites choses » de son livre hommage à Annie Leclerc. Une petite chose, c'est le début de la magie, c'est le secret, le talisman. L'univers en modèle réduit qui tient et se tient au creux de la paume. Elle cite cet extrait d'une lettre que lui avait adressée Annie Leclerc. L'art du créateur, rendre sensible dans le lointain dans le proche dans le lointain. Je me souviens de ces rêveries d'immensité auxquelles me conviaient enfant les objets jouets miniatures, mais aussi petites boîtes, coquillages, cailloux, herbes, mouches, fourmis et, plus évanescentes encore, gouttes d'eau, flocons de neige. Et Houston commente. En quelques lignes, sa plume a réveillé pour moi l'émerveillement que j'avais moi aussi connu enfant, à me perdre dans la contemplation d'une bille ou à follement m'exciter devant une maison de poupées. Les petites pièces, les diminutives tables et chaises, les minuscules tasses et soucoupes. Oui, tout est là, rideaux, escaliers, lampes, batteries de cuisine. Jamais je n'ai possédé une telle maison, mais j'en ai vu, ah, et convoité jusqu'à la douleur. Elle est bien consciente du haut-le-corps que susciteront ces évocations navrantes chez les « grands intellectuels ». Ouvrez les guillemets. Le roman moderne doit traiter de thèmes énormes. La mort, par exemple. Auschwitz, l'horreur, le non-sens m'habitent. La cruauté. Or, il va de soi que les grandes choses exècrent les petites. L'horreur déteste les pâquerettes et les colibris. Le non-sens vomit même les tournesols et les buses. Écartez-vous, femmelettes et morpions, ou vous aurez affaire à ma bite. Nous nous occupons ici de choses sérieuses. Rendre sérieux ce qui semble insignifiant à un homme, rendre quelconque ce qui lui semble important, disait Virginia Woolf. Voilà, c'était un extrait de Beauté fatale de Mona Chollet. Ce qu'on peut en dire, à part que c'est vraiment super, c'est que les marques culturelles du féminin, elles sont dévalorisées même quand elles sont portées par les femmes et elles les vulnérabilisent en plus. Mais n'empêche, on peut développer un goût esthétique pour ce qui relève du féminin, ce qui est plutôt mon cas, et y trouver la beauté de l'ambivalence et puis trouver aussi des moyens de détourner et de subvertir tout ça. On va revenir sur le sujet des critères de beauté féminin. Je vais partager un truc que j'ai écrit avec vous. Oui, alors j'ai pas trop lu de bouquins de théorie, alors je vous raconte un peu ma vie, voilà. C'est un texte qui s'appelle « L'approbation du regard masculin, s'en foutre hein, ou pas ». Donc là, je vais vous raconter des trucs sur mon rapport au regard masculin. Quand je parle de regard masculin, c'est pas juste quand un type random est en train de me regarder à un moment donné. Hein. C'est plutôt ce que je projette, et bon, ce que les normes me poussent à projeter, comme attente vis-à-vis de ce regard. Et puis, c'est surtout, vous voyez, cette sensation que, en tant que meuf ou personne assignée meuf, sa valeur est très liée au fait d'être appréciée par les hommes. C'est pas toujours conscient, hein. Parfois ça affleure juste un peu sous la surface, faut y penser, faut savoir où regarder pour le voir. Il y a des signes de l'approbation du regard masculin. Elle peut passer par l'expression de leur désir sexuel, par des compliments. Ça peut aussi venir d'autres femmes, de messages dans la culture et les médias, mais quand ça vient pas directement des hommes, ça vient quand même en gros de ce qu'on imagine qu'ils veulent ou qu'ils pensent, mais pas en tant qu'individu, plutôt en tant que groupe social, les hommes. Je vais vous raconter 2-3 expériences en rapport avec le poids de ce regard masculin. Première expérience, bon, l'adolescence, tout ça, mes caractères sexuels secondaires sont apparus, voilà, les seins. Et je me suis aperçue que j'étais une meuf et que ça voulait dire que je devais faire certaines choses ou que je devais au moins essayer, genre vraiment de tout mon cœur. Alors j'ai commencé à m'intéresser à séduire les garçons. J'ai essayé de ressembler un peu à ce que doit être une fille en m'habillant, en me coiffant, me maquillant en conséquence. Et c'est sûrement vers cette période que j'ai commencé à prêter attention au regard masculin. Bon, j'ai pas eu beaucoup de succès dans ma tentative d'adaptation à la féminité. Et c'est pas que j'avais pas envie de plaire, d'être féminine ou de pécho des types. Hein. Mais je comprenais que dalle hein, à ce qu'il fallait faire pour ça. Et puis je manquais vachement d'entraînement en trucs de meuf et puis surtout en conformité. Donc pour vous donner une idée du décalage, je me souviens, premier jour de collège, voilà les premiers jours de collège, tout ça, nouvel environnement, je pensais que moi, pour moi, adopter une attitude mystérieuse, pas trop sourire, avoir l'air intelligent, que ça me rendrait populaire. Mais en fait, ça rendait populaire les personnages de fiction que j'admirais, alors je me disais que ça marcherait pour moi aussi, mais moi j'étais pas un type mystérieux, moi j'étais juste une meuf chelou. Plus tard, j'ai commencé à faire du sexe avec des gens et je me suis pas comportée comme une fille. J'ai pas estimé que ma virginité était précieuse. J'ai pas jugé les filles qui couchaient, ni celles qui couchaient pas d'ailleurs. J'ai couché avec toutes les personnes dont j'avais envie et qui étaient d'accord. Et je me cachais pas du tout derrière l'amour pour ça. On s'est aimé avec plein de personnes sans jamais être en couple. Des fois, je trouvais ça un petit peu injuste de pas être une meuf avec laquelle on sort, mais au fond, je trouvais ça normal. Je savais que j'étais pas dans cette catégorie et que c'était comme ça. Je correspondais plutôt au cliché de la salope ou de la bonne pote, ceci dit. Mais je dois vous dire que ça fout quand même bien la merde niveau estime de soi d'être dans une catégorie d'humains auxquels on accorde généralement peu de valeur. C'est un truc un petit peu lourd à porter, mais il y a des bénéfices collatéraux. Grâce à ça, pas de pression, pas de crainte pour ma réputation de meuf, tout ça. Alors déjà, moi je comprenais même pas l'intérêt, et puis surtout, bah, c'était déjà niqué en fait. Alors ma sexualité, elle était rien qu'à moi. C'était pas une faveur, c'était pas un capital à céder au plus viril. Je me sentais pas comme un objet à conquérir, plutôt comme une personne qui voulait partager du sexe et qui était ravie quand elle y parvenait. Enthousiasme de base, normal quoi. Alors ça veut pas dire que j'étais la déesse du sexe et que j'avais des pratiques de ouf, hein. C'est plus dans l'attitude générale. J'estimais que j'aimais ça autant que les types, que je le voulais autant qu'eux et que le bon déroulement des choses dépendait aussi de moi. En plus, ça m'a aidé à mieux sentir quand je voulais pas. C'est plus facile de voir la différence et de pas consentir quand on a aussi appris à désirer. À un moment, apparemment ça devait arriver, donc il m'est arrivé un truc vraiment extrêmement pourri. Je suis tombée amoureuse d'une personne. Et voilà, et malheureusement, c'était réciproque. Hein. Ben voilà, la sentence tombe, le couple monogame. Et là, vraiment, c'est la grosse merde. Parce que d'un coup, je me suis dit, tu peux être une vraie, guillemets, meuf. Une meuf qui est aimée, désirée officiellement par un homme, dans une vraie relation hétérosexuelle monogame. Et c'est là qu'est née une dépendance à l'approbation masculine. Je me suis mise à essayer de convenir. Piètrement, hein, d'ailleurs. Mais au début, on voit pas, on profite. Il y a tout cet amour qui a l'air d'être un cadeau et en fait, c'est juste un piège. Avant, j'étais peinarde, c'était un truc inatteignable pour moi, ça me concernait même pas. Mais là, c'était devenu accessible et je me suis reposée sur ce confort qui était, bien sûr, tout à fait aléatoire. En fait, c'était cool d'être vue comme une salope parce que ça retient une bonne partie des types de vouloir te mettre le grappin dessus sur du long terme. Le stigmate, il permet quand même une économie d'énergie qui est pas négligeable. Bon, sauf si parfois, ceux qui t'aiment, que tu aimes, en retour, sont inconsciemment paniqués par ton contrôle sur ta propre sexualité. Mais c'est un peu le cas de tous les types 6, par moment, par vague. Enfin, voilà. Bon, du coup, on va passer à un autre exemple. Donc, l'amour, comme dans les films, déjà, c'était vraiment extrême relou. Mais comme galère liée à la féminité, ce n'est pas tout, loin de là. Alors, quand j'avais 21 ans, j'ai commencé à poser pour des photos. À cette époque, je pensais fermement ne pas correspondre à ce qui est communément appelé une belle meuf. Donc, en posant pour ces photos, je me doutais pas, mais je me suis encore une fois exposée à la dépendance, à l'approbation du regard masculin. Moi, j'avais eu une espèce d'idée de séance photo marrante avec de la viande et du sang et un air méchant et tout ça. Et en fait, je me retrouvais avec des commentaires sur mes formes féminines et ma beauté. Alors, je dois être un petit peu innocente parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Mais voilà, j'ai découvert que je pouvais avoir l'approbation du regard masculin. Qu'on pouvait me voir comme un objet de désir. Qu'on pouvait me trouver belle à regarder même sans me connaître. Même sans m'aimer. Une possibilité de ressource gigantesque pour mon ego est apparue et je me suis mise à l'entretenir. Il fallait que je maintienne mon degré de désirabilité, la beauté de mon corps. Je me suis mise à me scruter le corps, à vouloir l'embellir, l'améliorer, à prêter beaucoup plus d'attention à ça parce que justement, ça me valait de l'attention. J'ai adopté un style vestimentaire sexy, plutôt moulant, des sortes de panoplies de femmes désirables. Ça avait commencé avant, à l'adolescence, avec les premières remarques sur mon corps qui change et tu es une femme et toute cette merde. Mais ouais, clairement, depuis ça, ma garde-robe, c'est une source de questionnement, de tiraillement entre conformité, séduction, ce qui me plaît. Il y a une recherche d'optimisation de ma propre image de meuf pour être à la fois plaisante, sexy, être soi-même, originale, mais pas trop rien, pas vulgaire. Comme s'il y avait une espèce de vilaine Christina Cordula dans ma tête qui se réveille dans les moments de doute et qui me susurre des « Ma chérie, ça va pas du tout, c'est pas féminin !» Ouais. Alors, je crois que moi, ma catégorie, c'est la meuf de caractère, donc coquine, une expérience à tester ou à dompter, avec des formes, mais pas trop quand même. C'est ma petite case à moi qui est créée par une culture qui valorise les meufs pour leur capacité à plaire aux hommes. Comme si on était toutes des mauvais tags de porn. Et à propos de porn, conséquence bien agréable hein, de tout ça, c'est que j'ai du mal à ressentir du désir sexuel quand je ne me perçois pas comme désirable. Ça me coupe carrément l'envie de baiser. Je me ferme, je me cache. Je peux pas laisser un autre me voir vraiment, parce que je me sens pas assez belle. Voilà. Voilà tout le bien que ça m'a apporté de me laisser embarquer dans la super aventure de la féminité. Des doutes sur ma propre valeur et mon accès au plaisir sexuel réglementé par Christina Cordula. Et merci bien. Et voilà, c'était un texte sur mon rapport au regard masculin. Ben là, j'avais prévu de mettre une musique, mais comme mon ordinateur m'a planté. Peut-être vous avez entendu tout à l'heure, c'était super. Du coup, on va passer directement à la suite et je vais continuer de parler sans fin. Donc, l'amour, c'est pas facile. Oui, merci, capitaine Constat. Mais il y a des difficultés qui nous accompagnent spécifiquement en tant que meuf, comme par exemple les sépius de la jalousie. Alors, les sépius, c'est des petites bestioles, genre des encornés. Voilà, des encornés. Et sépius, c'est le mot occitan, en fait, pour parler de ça. Et du coup, les sépius, ils envahissent périodiquement le mental et viennent cracher de l'encre noire sur les pensées, comme ça, ils dégueulassent tout. Et après leur passage, les choses chiantes qui arrivent, généralement, elles sont ressorties d'un « c'est parce que je suis nulle ». Les choses neutres, pour lesquelles vraiment c'est difficile de m'attribuer une quelconque responsabilité, elles sont teintées d'un « ça veut sûrement dire que je suis nulle quelque part ». Et les choses positives, agréables, valorisantes, eh ben elles sont teintées de « et pourtant, je suis nulle, je le mérite pas, si ça m'arrive c'est un hasard, ça ne change rien à mon manque de valeur, blablabla ». Donc bon, voilà. Les sépius, ils font voir tout en moche, et en particulier soi-même. Et le principe, c'est qu'ils instaurent une ambiance mentale, mais qu'on ne les identifie pas toujours clairement. Ils sont là, ils barbotent dans notre tête, là, on les voit pas toujours. Ils sont difficiles à repérer, donc difficiles à chasser. Et il y a plusieurs types de sépios. Ils sont déclenchés par des trucs variés, ça dépend des personnes. Mais une des plus grosses familles de sépios, c'est les sépios de la jalousie. Et ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la jalousie éprouvée par les meufs dans le cadre des relations amoureuses et en débordant un petit peu du cadre. Alors, premier gros groupe de sépios de la jalousie, il y a la jalousie vis-à-vis des autres meufs. On a la comparaison dévalorisante, quand on se dit que les autres meufs, elles ont plus de valeur que soi, plus de valeur par rapport aux normes de féminité qu'on a soi-même intégrées, bien sûr. Pour peu qu'on ait eu des expériences du type « les mecs s'intéressent toujours plus à mes copines qui sont plus minces, plus blanches, plus féminines, plus douces, plus silencieuses, mais jamais à moi, ou alors juste pour baiser », eh ben, cette comparaison avec les autres meufs, elle peut prendre des grandes proportions, en tout cas à certains moments. Et là, je pensais à des expériences d'adolescence, mais je me rends compte que ça finit vraiment jamais, en fait, toutes ces conneries. En se comparant comme ça, on imagine le regard que les hommes et l'ordre social sont censés porter sur nous en fonction de critères de conformité à la féminité. On pourrait aussi penser qu'entre meufs, dans les relations lesbiennes, on est à l'abri de ça. Alors on l'est en partie, parce qu'il n'y a pas de projection du regard d'un type, enfin pas vraiment. Mais les normes de féminité, malheureusement, elles cessent pas d'exister et elles ont un impact qui peut être vraiment relou étant donné qu'on se compare directement à sa partenaire parce qu'elle est dans la même catégorie meuf que nous. Donc on peut se sentir pas dans la même catégorie de féminité, être perturbée si par exemple elle est plus mince, elle a une attitude plus féminine. Je parle beaucoup des normes physiques, parce que c'est une part très importante de ce pourquoi les meufs sont socialement valorisées ou pas. Mais il y a d'autres systèmes de valeurs qui peuvent entrer en compte, comme accomplissement professionnel, sociabilisation, la reconnaissance dans certains milieux, la capacité à être dominante, tout ce qui fait qu'on est un peu des produits marketing en fait. En parallèle, pour le super bonus combo, on peut se sentir mal d'en avoir quelque chose à faire de ce truc de valeur et de dépendre de l'opinion projetée des autres. Ça donne l'impression de ne pas être assez forte et indépendante, en tout cas de l'être moins que d'autres meufs, et ça accentue, alimente l'impression d'être naze. Voilà. Et après la jalousie vis-à-vis des autres meufs, on a la jalousie vis-à-vis des types. Alors, ça arrive de se comparer plus ou moins consciemment à son partenaire masculin, et ça peut foutre les boules assez gravement, étant donné que, comme c'est un type, la vie est plus simple pour lui. La concurrence directe avec un partenaire masculin, ça peut piquer un petit peu. Parce que tout ce qui peut nous tracasser au sujet de trucs qu'on veut accomplir, de notre valeur en tant qu'être humain, de comment les gens perçoivent nos capacités, nos compétences, ont de la reconnaissance pour elles, tout ce qui fait qu'on est apprécié pour ce qu'on est et pas parce qu'on est des potentiels partenaires sexuels ou petites amies, et ben, considérer tout ça, ça peut foutre les boules quand on se compare à comment sont traités des types. En gros, il y a automatiquement plus de valeur pour ce qu'il est et il rencontre moins d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux ou qu'il n'a pas d'empathie ou je sais pas quoi d'autre. C'est juste plus facile, factuellement. Et bon, là, on a vu des comparaisons avec deux types de personnes, donc avec les autres meufs ou avec des types, mais on a deux familles de comparaisons. On a la comparaison qui est directe, donc vis-à-vis des normes sociales, et une comparaison qui est moins directe par rapport à la projection du regard masculin. On peut remarquer que ce système de jalousie, de comparaison, se base sur des injustices sociales authentiques qui viennent se mélanger à des projections et des comparaisons initiées par des normes sociales, mais qui existe surtout dans nos têtes. Donc tout ça, c'est quand même bien le foutoir, parce que ça vient se mélanger avec des mécanismes psychiques et des expériences qui nous sont propres et qui dépendent pas forcément de notre identité de genre, mais qui sont liées parce que, par exemple, quand on appartient à une catégorie sociale dominée, on a tendance à plus se dévaloriser, et notre psyché, forcément, elle a été impactée par notre appartenance de genre. Mais pas que. J'espère que c'est très clair pour vous maintenant, comme pour moi. Bon, tout ça, c'est quand même bien le grand Satan du patriarcat qui nous pousse à nous éloigner les unes des autres au lieu de nous aimer et de nous soutenir. Je vais vous lire un texte de Wendy Delorme qui parle de comment l'amour, ça fait des trucs de merde aux meufs. Mais quand même, vraiment, c'est un très beau texte. Quinzième jour, métamorphose d'une femme. Le 15e jour, ses contours se précisent. Le flacon de parfum dans la salle de bain, un rectangle pur, traversé de biais par la tige translucide. Et il ressemble au flacon, les angles nets, l'élégante simplicité. Café crème, place de l'Opéra, je ne sais pas très bien comment je suis arrivée là. Je pensais en marchant, mais pas à mes pas. Et donc réussi à me perdre sur le chemin de chez moi, en revenant de chez lui, évidemment. J'ai peur ce matin-là. J'ai commencé à me sentir mal d'être ce que je suis, la salope Amazone. Je veux offrir une image lisse qui n'est pas la mienne. Quand exactement, quel jour parmi les 2 semaines écoulées la mutation a-t-elle commencé? À quel moment commence-t-on à vouloir se travestir, à changer de vérité? Quand devient-on la mère, la sainte? Quand exactement commence-t-on à avoir honte d'être putain? J'étais parfaite pourtant dans ce rôle-là. Le cul en l'air, la bouche gourmande, la chatte écartée. Une bonne petite salope avec qui on veut bien baiser et qui suce à merveille. Qui aime faire jouer l'autre. Lui, minéral. Moi, l'odeur de sa peau me liquéfie. Après 15 jours avec lui, je ne suis plus une femme mais un chamallow. Quelque chose de mou, de pastel, de sucré, de la confiserie, de la guimauve. L'amazone qui remue dans mes tripes hurle « Relève-toi, dresse ton bouclier ». Tu ne t'es pas coupé un sein pour t'allonger, tu ne te mets pas à 4 pattes pour te faire fourrer l'âme mais le cul. La matière molle, ça n'accroche pas la lumière. Je l'ai remarqué la veille dans la rue en allant chez lui. Malgré les talons compensés en tissu léopard, la robe légère qui caressait mes jambes, mes lèvres pourpres et mes cheveux relevés, les hommes ne se retournaient pas sur moi. Le 15e jour, je commence à me déposséder, à lui appartenir. Je me pose une laisse toute seule, je me fais chienne soumise, plus enragée. Je m'excuse d'être, j'aspire à être respectable, propre, lisse, aimable, aimée, bourgeoise, pure, sans aspérité. J'abdique. Ma sauvagerie folle et ma liberté sans compromis, j'ai envie de les rendre comme des armes trop lourdes. Je suis fatiguée du combat. La machine de guerre est grippée. Dans son lit, entre ses bras, je tisse une toile pour me cacher, celle des veuves et des femmes de soldats. Des amantes éperdues, des Pénélopes et des éplorées. Je veux des chaînes, qu'ils me tiennent, qu'ils me gardent, qu'ils me disent tu es à moi. Je régresse, je rétrograde dans la chaîne alimentaire. De chasseresse, je deviens l'anémone de mer, amoureuse du rocher. J'attends le ressac pour me nourrir des particules de caresses, de baisers. Je m'ouvre à la moindre vague, mes bras tendus, souples et tentaculaires, tâtent les variations de température de son humeur. Je m'adapte, je change de forme. La métamorphose a commencé. Je m'amenuise, je m'adoucis, je me fais tendre, vulnérable. Un coup de dent trancherait ma chair plus facilement que celle d'un mollusque. La faculté d'adaptation de la femelle humaine est un miracle de la nature. C'est à ce jour la seule espèce qui s'est mutée en 15 jours de prédateur à invertébré. Voilà, c'était un extrait de La mère, la sainte et la putain. De Wendy Delorme. Bon, j'ai pas parlé de plein de trucs. J'ai pas parlé de la vulgarité. J'ai pas parlé du drag queen, de l'essentialisme, mais ça on peut peut-être s'en passer de l'essentialisme, des marginalités féminines, hein, des catégories basées sur le physique. J'ai juste dit des petits bouts de ce que ça peut être la féminité et je le comprends toujours pas très bien, je dois dire. J'aime bien être une meuf, ça me dérange pas. Mais j'arrive pas à savoir si j'aime être l'être humain que je suis ou si j'aime vivre en étant de genre féminin. Et peut-être c'est trop compliqué de faire la différence, de séparer, de défaire toutes les petites imbrications de tout dans tout. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je voulais vous faire écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Kaggle Forever ». Du coup, allez le voir, il est sur YouTube en gratos. Et à la fin, il y a une interview de Lisa Monet que j'avais vraiment envie de passer. Voilà. Kaggle Forever, du coup. Et l'interview, c'est vers la 45e minute. Et allez voir sur les questions de féminité les chaînes YouTube de ContraPoints, de Keyhole and Snapshots, de Cat Black. Et peut-être un jour, je remettrai des références sur mon blog et je vous les donnerai. Voilà. À bientôt.